pensées, ne parle pas trop fort. Tout doucement, le sommeil s'étiole, les paupières gonflées. Les yeux humides, il faut s'éveiller, s'étirer, se dévoiler. On est si bien quand tout se voile, qu'on est allongé sous les étoiles. Quitter la journée, se mettre à poil, le corps fatigué sous le voile. Ça s'accélère, le cœur bat vite, quelle heure est-il? Faut être conscient, on est en vie, quelle heure est-il? À perdre, on est en vie, quelle heure est-il? Ce matin encore, avoir envie sera utile. On est si bien quand tout se voile, qu'on est allongé sous les étoiles. Quitter la journée, se mettre à poil, le corps fatigué sous le voile. Dès lors qu'on n'est pas le seul à quitter le port.